nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les peuples s'ennuyaient-ils réellement depuis 100 ans? Le peuple en Italie, pour ne pas dire le peuple italien. Il allait peut-être cesser de s'ennuyer. La lumière était alors au milieu de l'Europe, comprendre la France. Elle ne pouvait, cette lumière, que rayonner sur l'Italie. Mais les troupes françaises allaient-elles se bien conduire ou laisser une triste réputation? Salut et fraternité, certes. Création de nombreuses républiques, cisalpines, romaines, parthénopéennes, comprendre napolitaines. Mais un pays étranger peut-il imposer la liberté et son influence révolutionnaire? La France dans les archives de l'Europe, Françoise Malétra, direction Milan et ses archives. Première diffusion sur France Culture, le 19 août 1982. La France dans les archives de l'Europe. À Milan, aux archives d'État et aux archives du château des Sforza, l'Italie napoléonienne. Premier temps, prologue, la campagne d'Italie et l'instauration par Napoléon Bonaparte de la République cisalpine. L'émission de Françoise Malétra et Christine Bernard-Sujet. D'Alessandro e di Cesare la gloria, l'immortal Bonaparte offusca eclissa, che a Italia oppressa, libertà de pace, dà con quel braccio che glorioso fissa degli imperi il destino e di vittoria. Alors, d'Alexandre et de César, l'immortal Bonaparte eclipse la gloire, à l'Italia opprimée, il apporte liberté et paix, et par ce bras glorieux, il fixe le destin de l'Empire et la victoire de l'Empire. Il y a toute la panoplie de la Rome antique et de la Rome glorieuse, la couronne de laurier, la palme, les armures, la guerre, et puis les trompettes de la renommée, dirons-nous. Et ce document, eh bien ce document, il est dédié à la victoire de Marengo, regardez. Di Marengo. C'était le 14 juin 1800. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après des siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands habitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté impériale et royale. La grande affaire des Milanais était alors d'imprimer des sonnets sur de petits mouchoirs de taffetas rose. Il y avait loin de ces mœurs efféminées aux émotions profondes que donna l'arrivée imprévue de l'armée française. Bientôt surgirent des mœurs nouvelles et passionnées. Un peuple tout entier s'aperçut le 15 mai 1796 que tout ce qu'il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et odieux. Le départ du dernier régiment autrichien marqua la chute des idées anciennes. Exposer sa vie devint à la mode. On vit que pour être heureux après des siècles de sensations affadissantes, il fallait aimer la patrie d'un amour réel et rechercher les actions héroïques. On était plongé dans une nuit profonde et tout à coup, on se retrouva inondé de lumière. À tel point que lorsqu'on afficha l'avis d'une contribution de guerre de 6 millions, frappée pour les besoins de l'armée française, laquelle venait de gagner 6 batailles et de conquérir 20 provinces, la masse de bonheur et de plaisir qui avait fait irruption en Lombardie fit que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution qui allait être suivie de beaucoup d'autres. Cette époque d'ivresse ne dura que 2 petites années. La folie avait été si excessive et si générale qu'il me serait impossible d'en donner une idée, si ce n'est par cette réflexion historique, ce peuple s'ennuyait depuis 100 ans. Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tous les peuples. Nous n'en voulons qu'aux tyrans qui vous asservissent. Emportant au-delà des Alpes les idées et l'expérience révolutionnaire française, Bonaparte allait en effet donner à cette Italie qui s'ennuyait depuis 100 ans toutes les raisons de s'enflammer. Une campagne d'Italie éblouissante qui durera 1 an, d'avril 1796 à avril 1797, avec pour terrain d'opération le Piémont d'abord, la Lombardie ensuite, et dont on dira qu'elle fut indiscutablement le chef-d'œuvre de Napoléon. Elle sera surtout le fulgurant prologue à cette grande aventure italienne qui s'interrompra 17 ans plus tard. Mais lorsque Napoléon sera contraint d'abandonner la scène, la carte de la péninsule aura été complètement bouleversée et les bases auront été jetées du grand mouvement unitaire du Risorgimento qui lui ouvrira l'âge moderne. De ces années-là, qui lient le destin de l'Italie à celui de Bonaparte, 2 grands fonds d'archives témoignent à Milan. Les archives d'État installées dans l'ancien palais sénatorial, qui livrent les clés des stratégies politiques, militaires, religieuses entre les deux pays, qui font apparaître les grandes figures de l'époque. Nous y serons reçus par le docteur Antonio Castellari et Maristella La Rosa. Et les archives de la ville, conservées au château Sforzesco, qui, elles, témoignent de la vie de la cité et de ses habitants. Nous y retrouvons déjà Ivano Riboli, un de ses responsables, et une jeune historienne, Camilla Gavazzi. Instruction pour la garde nationale ou catéchisme militaire. Anno primo della libertà italiana. È una formula molto in uso su libri e stampa di questo periodo, specialmente pubblicazioni di carattere ufficiale, e appunto anno primo della libertà italiana sta ad indicare. C'est une formule che l'on trouve très souvent dans les livres imprimés de l'époque, surtout lorsqu'ils ont un caractère officiel. On tient à marquer cette première année de la domination française, porteuse des idées révolutionnaires de 1789, et qui, avec Napoléon, allait d'un seul coup répandre un grand vent de liberté dans toute l'Italie septentrionale. Vous dites Napoléon porta en Italie la révolution française, mais comment les choses ont-elles été ressenties en Italie? Car Napoléon arrivait dans une Italie en crise, Metternich dira plus tard que, à cette époque, l'Italie n'était qu'une expression géographique, ce qui était peut-être la vérité, mais en tout cas une grande insolence. Comment le pays a-t-il vécu ces premières années? L'avvento di Napoleone fu salutato con molto entusiasmo, soprattutto dalla borghesia intellettuale, imbevuta di cultura francese. L'avènement de Napoléon fut salué avec beaucoup d'enthousiasme par la bourgeoisie intellectuelle imprégnée de culture française, dont les enfants étaient souvent envoyés en France afin d'y poursuivre leurs études et s'en revenaient la plupart du temps totalement acquis aux idées illuministes et à ses grands hommes. Fu essenzialmente questa classe sociale qui sostenne il régime napoléonico, soppiantando la vecchia nobiltà asburgica. Ce fut donc essentiellement cette classe sociale qui soutint, dès le début, le régime napoléonien, contrairement à la vieille noblesse qui, elle, restait fidèle aux Habsbourg. Che appunto a causa dell'accentramento amministrativo e burocratico che il regime francese andava il n'en fut pas de même pour les classes populaires rurales qui voyaient dans la centralisation bureaucratique en train de se mettre en place par la volonté des Français un sérieux péril pour leur autonomie et leurs privilèges de diverses natures. L'armée française s'établissait comme une colonie militaire dans les plaines de la Lombardie. Gardée çà et là par leurs camarades en sentinelle, ces étrangers de la Gaule, coiffés d'un bonnet de police portant un sabre en guise de faucille par-dessus leur veste ronde, avaient l'air de moissonneurs empressés et joyeux. Ils remuaient des pierres, roulaient des canons, conduisaient des chariots, élevaient des hangars et des huttes de feuillage. Des chevaux sautaient, caracolaient, se cabraient dans la foule comme des chiens qui caressent leur maître. Des Italiennes vendaient des fruits sur leurs éventaires au marché de cette foire armée. Nos soldats leur faisaient présent de leurs pipes et de leurs briquets en leur disant, comme les anciens barbares, leur père, à leur bien-aimé, « Moi, Fotrad, fils de Perthes, de la race des Francs, je te donne à toi, Elgine, mon épouse chérie, en honneur de ta beauté, mon habitation dans le quartier des Pins. » Nous sommes de singuliers ennemis. On nous trouve d'abord un peu insolents, un peu trop gais, trop remuants. Nous n'avons pas plutôt tourné les talons qu'on nous regrette. Les troupes françaises avaient une très mauvaise réputation, non seulement pendant la Première République, pendant la campagne d'Italie déjà, mais avant même d'arriver en Italie. La population doveva subire appunto questa armata francese praticamente come un'armata di occupazione. En fait, la population italienne devait subir cette armée française exactement comme une armée d'occupation. Dell'armata francese che dovevano appunto vivere, operare in una nazione straniera. Quindi les soldats devaient vivre au milieu de cette population de sa propre vie. La diffidenza della popolazione, dovevano spesso sopperire a deficienze di natura organizzativa. Ils avaient à lutter contre sa méfiance et pallier les innombrables déficiences administratives concernant les stricts moyens d'existence, la nourriture en particulier, qui les faisait s'appuyer souvent brutalement sur la population civile. De là le rapport difficile qui s'était instauré entre les hommes de Bonaparte et les Milanais. Ceci est un document qui concerne la discipline des militaires français. Et c'est un document extrêmement sévère à l'égard des troupes qui ne jouissait pas auprès des populations italiennes d'une grande estime. Milan, 26 frimaires en 6 de la République. Le ministre de la guerre au commandant de la place de Milan. J'apprends la mauvaise conduite d'un certain nombre de troupes en marche, de passage d'un lieu à un autre de la République, qui se livrent à des actes inadmissibles, au grand scandale des bons citoyens et pour le plus grand dommage de la République. Désormais, les commandants des troupes ont ordre de présenter aux responsables des places dans lesquelles ils font halte un certificat de bonne conduite établi par les municipalités de leur lieu de départ. J'invite tous et chacun des généraux divisionnaires, des troupes cisalpines et des commandants de place d'exiger des commandants de corps en marche l'obtention du dit certificat. Ils devront en outre me rendre compte régulièrement et religieusement de tout manquement à cet égard. j'exige que mes ordres soient respectés avec la plus extrême rigueur afin qu'ils mettent un frein aux trop nombreuses licences qui me sont rapportées et portent le déshonneur sur l'armée en général. Salut et fraternité. Francesco Melzi de Ril, vice-président de la République italienne, au citoyen Marescalchi, conseiller d'État et ministre des Relations extérieures. Vous m'aviez promis un supplément d'informations concernant le général Jourdan. N'ayant rien reçu de vous à ce jour, je prends le parti d'anticiper sur votre lettre en vous faisant part de quelques réflexions personnelles à son sujet. Je ne nie pas que le général soit un brave homme, honnête et sans excessive prétention. C'est son entourage que je mets en cause, et en particulier le général Solignac. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est son neveu. Les intrigues, les cabales, les malversations de cette personne qui sert actuellement dans l'armée de Naples sont connues. Il a déjà tenté d'obtenir du général Murat la nomination de chef d'état-major. Et je suis sûr que tôt ou tard il y parviendra. Or, cet homme a été l'année passée l'un des responsables de la formation du parti des ex-Vénètes, lequel a fait grand bruit et nous a causé de graves problèmes. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait s'il venait à entrer en contact avec le général Jourdan. Sachez que je ne le tolérerai pas et que je prendrai immédiatement toute disposition pour l'en empêcher. Ajoutez à cela l'intention de Murat d'abandonner son poste au profit d'un autre militaire, alors que le consul estime sa présence de plus en plus nécessaire à Milan. Et vous verrez qu'il est temps d'intervenir. Autre personne inséparable du général Jourdan, un certain Salvage, le pire des hommes, qui a profité des confidences du général pour commettre des horreurs dans le Piémont. Je tiens à votre disposition les preuves de ses rapines et de son infamie. J'apprends en outre qu'il vient d'être nommé général en chef. Ne doutant pas des basses intrigues qui lui ont valu cette nomination, je m'inquiète de le voir répandre tous les vices de la terre dans cette région, d'autant que cette nouvelle fonction lui confère les mêmes privilèges que Murat, donc qu'au beau-frère du consul. Comprenez mon embarras et la raison pour laquelle je souhaiterais avoir des directions précises de Paris. Je passe sous silence les sérieux problèmes de logement posés par le nombre extravagant de nouveaux officiers qui, semble-t-il, doivent l'accompagner. Francesco Melzi de Ril. Fructidor en 6. Le lagnanze che tutto di si sentono per parte del popolo sugli abusi. Les plaintes que l'on ne cesse d'enregistrer émanant de la part du peuple sur les abus de plus en plus fréquents en matière de vivres nous donnent lieu de croire, aidez-moi. Che non si osservano le discipline e regolamenti relativi. Nous porte à croire que les règlements ne sont pas appliqués, les disciplines non plus, relatives à la bonne gestion de l'approvisionnement du peuple. Et qu'en fait, la surveillance a été considérablement détournée ou s'est relâchée à propos de cette importante question. Nous vous recommandons en outre de faire en sorte que les boutiques où l'on peut acheter de la nourriture répondent plus souvent aux normes qui permettent de nourrir la population et de ne pas abuser de la population, de ne pas la tromper, donc ne pas abuser le peuple. Puisque nous sommes sur la question des approvisionnements, il y a un autre document qui, celui-là, alors n'est pas du tout négatif. Il émane de l'administration départementale d'Olonne, donc à Milan, et c'est un texte qui réglemente le prix du pain. il pane di frumento bello buono, le pain de beau froment, beau, bon et bien cuit et bien fabriqué chez le boulanger, doit donc à dater du 17 janvier de l'an 9 et jusqu'à nouvel ordre, être d'une once et demie pour un sou de pain pesé froid, de 3 onces pour 2 sous pesé froid. Pesé froid pourquoi? Parce que le pain chaud pesait parce plus? Parce que le pain chaud est plein d'humidité et pour cela le poids est plus grand. Il faut noter que les autorités ordonnent à chaque boulanger d'attacher cet ordre dans leur magasin sous peine d'amende assez considérable. 1797-1799. L'homme politique succède à l'homme de guerre. Pendant ces trois années que les historiens italiens appelleront le triennio, Bonaparte va tenter de mettre en œuvre son grand projet d'édification d'un vaste système de républiques sœurs, transformant des provinces qui jusqu'ici avaient vécu isolées les unes des autres en une mosaïque d'États qui en fait devra allégeance politiquement et financièrement à la politique du directoire. 6 juin 97, création à Gênes de la République Ligure. 9 juillet 97, création à Milan de la République Cisalpine. 15 février 98, création de la République Romaine. Janvier 99, création à Naples de la République Parthénopéenne. Le philosophe Vincenzo Cuoco écrit « La lumière est au milieu de l'Europe, elle ne peut que rayonner sur l'Italie ». Professeur Carlo Capra, quelle valeur pouvait avoir alors le modèle révolutionnaire français aux yeux de populations italiennes fortement attachées à leurs particularités régionales et d'hommes déshabitués depuis longtemps de la gestion des affaires publiques? Je crois qu'il faut différencier dans la population italienne en général et dans la population du nord de l'Italie en particulier. Il y avait des sections qui voyaient la Révolution française d'une façon tout à fait différente. Les jeunes gens qui avaient étudié et qui ne trouvaient pas d'emploi dans les anciens régimes étaient très souvent enthousiastes de la Révolution française. Ils attendaient les Français comme des libérateurs. Ceux-là étaient les plus fidèles amis des Français. Puis il y avait les collaborateurs des anciens gouvernements qui très souvent étaient des hommes éclairés. Alors nous avons ceux qu'on peut appeler les intellectuels de l'époque, les prêtres, les étudiants, les professeurs, les avocats, les hommes de loi. Tout ce monde-là fut le plus favorable à l'invasion française et aux idées révolutionnaires. En Lombardie, par exemple, Pietro Verri. Mais Pietro Verri et les gens qui pensaient comme lui avaient aussi peur de la Révolution française et de ses possibles conséquences en Italie, car ils disaient « le peuple n'est pas préparé ». Enfin, il y avait les masses populaires dans les villes et surtout dans les campagnes. Les masses populaires, je crois, étaient hostiles à la Révolution française et à tout ce qu'elle représentait. Les conditions de vie des masses populaires avaient empiré. La montée démographique aussi était un facteur de crise pour les paysans surtout. Mais presque dans toute l'Italie, le peuple croyait que les réformes elles-mêmes étaient responsables de ce changement. À tout cela s'ajoutait le sentiment religieux. Dès 1791, le clergé avait travaillé pour répandre une idée de la Révolution française et des révolutionnaires comme des montres, des gens qui mangeaient les enfants, qui violaient les femmes. Et cela était cru dans les campagnes. En 1794-15, avant l'entrée des Français, il y eut beaucoup de miracles. Il y avait des vierges qui pleuraient. Et tout cela, on disait que c'était la colère de Dieu, de la Vierge, pour ce que les Français faisaient ou allaient faire en Italie. Et pour le reste, les libérateurs ne portaient enfin qu'une idée de liberté que le peuple ne comprenait pas. Et puis, il y eut les autres conséquences de l'invasion, les pillages, les offenses aux églises. Tout cela tourna le peuple en contre-révolutionnaire. Pendant cette période que vous appelez en Italie le triennio, c'est-à-dire les trois années qui vont de 1796 à 1799 et qui vont être marquées successivement par les deux républiques cisalpines, celles que l'on appelait les républiques cisalpines, la catégorie sociale dont l'attitude à l'égard des Français aurait pu être la plus lourde de conséquences n'était pas le clergé. Et principalement, naturellement, par son action et son influence importante sur la population. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le clergé conservait une influence énorme sur la population des campagnes et des villes même. Les clergés, dans sa grande majorité, étaient bien entendu fidèles au pape. Il y avait une minorité qui était souvent composé de jansénistes, d'ex-jansénistes, qui accueillaient les idées révolutionnaires, mais surtout les curés de campagne, étaient violemment hostiles aux idées révolutionnaires et ils entraînaient les masses de la population. Napoléon s'en aperçut, bien entendu, et lorsqu'il revint à Milan, avant la bataille de Marengo, car il entra à Milan avant la bataille de Marengo, la première chose qu'il fit, il appela l'archevêque de Milan et il lui fit beaucoup de compliments et il annonça qu'il allait protéger le clergé et la religion. Tout cela ne changea pas beaucoup, je crois, à l'attitude du clergé qui continua d'être hostile au régime napoléonien. Il se forma beaucoup d'associations secrètes religieuses qui avaient souvent un nombre énorme d'adhérents. Dans la petite province de Bergamo, en Lombardie, il y avait des sociétés du Cœur de Jésus qui avaient 30 000 adhérents. Sera la réaction de l'élite intellectuelle dans Milan occupée, disons. Je pense particulièrement aux poètes, aux écrivains et à un poète, surtout qui est Ugo Foscolo, qui en 1797 écrivit son ode à Bonaparte au libérateur et qui, beaucoup plus tard, dans des textes bien différents, se révélera presque opposant ouvert au régime et à l'homme. Il n'était pas le seul, mais je crois qu'il ne faut pas généraliser. Foscolo a été souvent pris comme le représentant de tous les intellectuels, mais beaucoup d'intellectuels, et parmi eux aussi des grands intellectuels comme Vincenzo Cuoco, Gian Domenico Romagnosi et bien d'autres, collaborèrent avec le régime de Napoléon. Ils devinrent des professeurs ou des hauts fonctionnaires, ils comprirent que la seule façon d'opérer pour le progrès de la société dans la nouvelle situation était bien de travailler avec le régime napoléonien et non contre. L'âge napoléonien n'est pas aussi fertile, aussi riche en discussions, en débats que l'âge de Lumière à Milan ou l'âge de la Restauration. Mais pourquoi? Parce que je crois les intellectuels comme groupe social s'étaient identifiés étroitement avec le régime et le débat politique ne pouvait pas s'éclore avec la même vivacité qu'auparavant ou depuis. Toi qui répondais au nom de liberté et qui régnais, antique et forte sur le monde, en quelle terre secrète as-tu fui le jour où l'épée du tyran ne te donna d'autre choix que la mort ou l'esclavage? Aujourd'hui, je t'invoque et te dis viens, dénoue ma langue, libère ma poitrine et enflamme-moi. Vois, sur l'horizon d'Italie reparaître l'aurore avec ses éternels rayons. Vois, des cimes alpines, nous est venu le guerrier à pourfendre l'ennemi dans la fureur des armes et des chevaux. Et le voilà en terre latine. Et voilà déjà que l'on entend le chant sublime qui dit ses victoires par milliers. Aux portes d'Italie, il est Bonaparte, environné de lueurs d'azur et de pourpre. Et toi, liberté, voilà qu'à ton nom, le ciel et la mer font allégeance, et voilà que les provinces y consentent aussi. Et de cette Italie, voilà que les foules divisées s'apprêtent à s'unir dans le grand peuple. La joie de Foscolo lorsque Napoléon vient en Italie est une joie sincère. C'est lorsque les temps changent quand nous arrivons au traité de Campo Formio que Foscolo a le temps de réfléchir sur tous les événements et de comprendre que la liberté ce n'est pas une chose que les étrangers peuvent donner. Il n'existe pas un peuple qui vienne mourir dans une terre qui n'est pas la sienne pour la libérer. Il vecchio ordinamento dell'ancien régime. Per esempio, in campo civico, in campo di organizzazione dei comuni, a Milano apportò una novità molto importante. Napoléon bouleversa totalement l'ordre de l'ancien régime. Une de ses plus importantes réformes touche à l'organisation politique des communes. À Milan, par exemple, il décida de partager la ville en quatre secteurs, chacun pourvu d'une assemblée en principe autonome, mais qui, en réalité, se trouvait fortement dépendre des différents ministères créés par la Cisalpine, donc par Napoléon. Les activités de ces assemblées étaient très contrôlées. Elles recevaient des instructions extrêmement précises pour tout ce qui relevait en particulier des nouvelles structures bureaucratiques. Nous possédons d'ailleurs dans nos archives nombre de documents qui témoignent de la stratégie centralisatrice qui était celle de Napoléon. Bonaparte, premier consul de la République française et président de la République italienne. Au corps législatif. Paris, le 9 Thermidor an 10 de la République française. J'ai vu avec une vive satisfaction la réunion du corps législatif. Vous devez, dans cette première session, jeter la base de l'administration. Le premier budget qui ait été fait en Italie va vous être présenté. Les recettes, les dépenses, la dette publique ont également besoin d'un système stable, uniforme, caractère essentiel de la loi. Un objet que vous jugerez non moins important, c'est la loi que l'on va vous présenter pour la conscription militaire. Une armée nationale peut seule assurer à la République la tranquillité intérieure et la considération au dehors. Un État voisin qui n'avait ni la richesse de la République était parvenu à former une armée qui s'est souvent acquise de la gloire et qui l'a placée pendant longtemps au rang des puissances considérables. Que le corps législatif n'oublie pas que la République doit être la première puissance de l'Italie. Le corps législatif ne peut pas mieux me témoigner la vérité des sentiments qu'il m'exprime qu'en travaillant de tous ses efforts à la consolidation de l'État et en posant les principes qui doivent assurer sa gloire et sa grandeur. Bonaparte. À Milan, 25 Vendémiaire, anno sesto, repubblicano. Alors c'est le 16 octobre 1797. Bien, première année de la République cisalpine. Bien sûr. Li tanti e si illustri benefici dei quali la Repubblica Cisalpina, debitrice all'immortal Bonaparte, esigono una qualche attestato sensibile della di lei gratitudine e riconoscenza. Egli è perciò che i comitati riuniti mettono a vostra disposizione, cittadini direttori, la somma di 1 milione circa in effettivo contante, o anche meglio nel corrispondente valore di fondi nazionali. E la signature? La signature? Est-ce qu'on peut le lire la signature? Sont les représentants des comitati riuniti. Des comités réunis. Oui. Alors les si nombreux et si illustres bénéfices dont la République cisalpine est débitrice, je traduis littéralement, à l'immortel Bonaparte, exigent une compensation sensible, je traduis littéralement. En argent. Oui. En gratitude et en reconnaissance. C'est pourquoi les comités réunis mettent à votre disposition, citoyen directeur, la somme d'1 million de francs environ et en argent comptant, ou mieux encore, en valeur correspondante de fonds nationaux. Salut et fraternité. Ces fonds nationaux, est-ce que c'était les biens de l'Église déjà? Oui, oui, sont les biens des corps religieux confisqués et vendus en nom de la République française. Et naturellement, vous possédez beaucoup d'actes de ce genre où contribution est donnée sous la forme très courtoise de reconnaissance au grand homme, au grand libérateur. Napoléon est toujours le libérateur à cette époque. Oui. Bien sûr. Mm-hmm. Maintenant, la salutation, c'est encore salute et fratellanza. Salut puis, et fraternité. Puis, deviendra salut et respect. Libertà, eguaglianza, Milano, tre annebbiatore anno sesto repubblicano, in nome della Repubblica Cisalpina. C'est un document qui date donc du 3 annebbiatore, c'est-à-dire du 24 octobre de l'an 6 de la République, c'est-à-dire 1797. Il émane, bien entendu, de la République Cisalpine et il est rédigé par le commissaire du pouvoir exécutif auprès du département de l'Olona. C'est une sorte de collaboration entre le pouvoir central et le pouvoir local. Nous trouvons une lettre du commissaire qui concerne les instructions données par le directoire exécutif à ses commissaires. Voilà donc quels doivent être nos rapports. Prenant pour acquis que vous continuerez à l'avenir à maintenir la confiance du public et à en être respecté, j'ai toute raison de croire que vous continuerez également à obéir avec empressement aux lois et aux ordres qui vous ont été donnés. Et je suis tout à fait sûr que je n'aurai qu'à me louer de vous et à communiquer aux autorités supérieures toutes les preuves qu'avec patriotisme, vous aurez donné de la bonne conduite de nos affaires. Floréal, toujours de l'an 6 de la République. C'est donc une circulaire adressée par la municipalité de l'arrondissement de la commune de Milan à l'administration centrale et qui concerne la création d'orphelinats et l'organisation de ces orphelinats, l'instruction que l'on devait y donner. C'est une pièce intéressante pour comprendre les valeurs qui était considéré important en ce moment dans la société. Et intéressant de lire ce que les éducateurs se proposaient de donner aux jeunes hommes, aux orphelins. Liberté, égalité, au nom de la République cisalpine, une et indivisible. Milan, le 22 Floréal, en 6 de la République. La municipalité du secteur second de la commune de Milan, relevant du département de l'Olonne, à l'administration centrale du dit département. Je dois vous informer qu'en l'an 1799, le nombre d'orphelinats existants dans notre secteur s'élevait à 220. Or, la mortelle épidémie de rage qui a sévi depuis rend nécessaire la création de nouveaux établissements. D'autre part, nous souscrivons pleinement aux méthodes d'éducation instaurée par l'administration centrale. Nous nous efforcerons donc d'inculquer aux orphelins les grands principes de moralité et de patriotisme. Ils apprendront à lire et à écrire. Chaque dimanche, un maître viendra les initier à des disciplines diverses et il recevra en retour un salaire approprié, afin de procurer à chaque enfant mâle la maîtrise future d'un des arts mécaniques du programme. Ainsi, lorsque nos orphelins quitteront cette pieuse maison, à l'âge de 17 ans, ils seront en mesure d'être utiles à la patrie. En ce qui concerne les filles, elles seront de préférence instruites dans tous les travaux domestiques. Elles aussi apprendront à lire et à écrire, afin de bien exercer leurs devoirs religieux. 19 jeunes carmélites, relevant de l'archevêché, ont été recrutés à cet effet. Salut et fraternité. Ecco, il regime napoleonico estese un controllo molto minuto, molto preciso su tutti gli aspetti della vita sociale. E quindi anche quell'importante aspetto della vita sociale che è l'organizzazione del sistema educativo fu oggetto di sue particolari cure. Le régime mis en place par Napoléon exerça un contrôle très rigoureux sur tous les aspects de la vie sociale. Un de ses soucis majeurs fut l'organisation du système éducatif. Certes, ils n'avaient pas la possibilité de supprimer toutes les institutions religieuses qui depuis des siècles en avaient la charge, et spécialement celles des enfants abandonnés, mais nous avons un exemple de la manière dont, tout en maintenant certaines de ces institutions, il les met dans l'obligation de faire acte de soumission à l'idéologie et au dictat de sa politique. Au début de l'année 1799, alors que Bonaparte poursuit sa campagne d'Égypte, l'expérience italienne va se trouver tragiquement compromise. En France, par le déclin du directoire, en Italie, par la réaction contre la France, qu'aggrave l'action des patriotes et les rivalités régionales s'opposant à toute tentative d'unification. Au mois d'août, Autrichiens et Russes envahissent la plaine du Pô jusqu'aux Alpes. Ils créent à Milan un gouvernement provisoire. C'est l'effondrement de la République cisalpine. Faut-il attribuer l'échec du projet napoléonien à cette utopie d'appliquer aux jeunes républiques italiennes, devenues en fait républiques vassales, à forte couleur familiale, un schéma d'organisation politique identique, aligné sur le modèle français, professeur Capra? Il y a en Italie une tradition historiographique qui affirme que les Français et leurs alliés italiens auraient dû s'adapter, adapter les institutions et le vocabulaire lui-même aux besoins et aux préjugés même de la population. Mais je crois que cela revient à dire de quelque façon que les révolutionnaires n'auraient pas dû être révolutionnaires. Je crois que l'essentiel de la révolution et des idéaux des révolutionnaires en Italie comme en France était de tout changer. Les choses et les mots avec les choses. De toute façon, les modérés auraient voulu maintenir une continuité avec la situation précédente et les démocrates étaient plutôt favorables à un changement total. Des masses de paysans méridionaux s'insurgeaient non pas tant contre les Français ou la Révolution française, mais contre les gens de bien. Un historien, Cuoco, disait que dans la République de Naples, tous ceux qui étaient républicains étaient des hommes qui possédaient quelque chose. Ils étaient des aristocrates ou bien des bourgeois, mais il y avait très peu d'hommes de peuple parmi les révolutionnaires. Novembre 1799, 18 Brumaire. Napoléon provoque la chute du directoire. Élu premier consul pour 10 ans, il est le maître de la France. Son premier acte politique sera d'entreprendre la reconquête de l'Italie et de l'intégrer par remaniements successifs dans la grande construction européenne dont il continuera de poursuivre le rêve. Napoléon avait besoin de se surpasser en miracle. Le 25 et le 30 avril 1800, les Français franchissent le Rhin, Moreau à leur tête. L'armée autrichienne, battue 4 fois en 8 jours, recule d'un côté jusqu'au Vorarlberg, de l'autre jusqu'à Ulm. Bonaparte passe le Grand Saint-Bernard le 16 mai, et le 20, le Petit Saint-Bernard, le Saint-Plon, le Saint-Gothard, le Mont-Cenis, le Mont-Genèvre sont escaladés et emportés. Nous pénétrons en Italie par 3 débouchés réputés imprenables, Caverne des Ours, Rocher des Aigles. L'armée s'empare de Milan le 2 juin et la République cisalpine se réorganise, mais Gênes est obligée de se rendre après un siège mémorable, soutenu par Masséna. L'occupation de Pavie et l'affaire heureuse de Montebello précèdent la victoire de Marengo. Une défaite commence cette victoire. Les corps de Lannes et de Victor, épuisés, cessent de combattre et abandonnent le terrain. La bataille se renouvelle avec 4000 hommes d'infanterie que conduit Dessay et qu'appuie la brigade de cavalerie de Kellermann. Dessay est tué. une charge de Kellermann décide le succès de la journée qu'achève de compléter l'esprit commun de Ménas. La France dans les archives de l'Europe, aujourd'hui l'Italie napoléonienne, première émission, la campagne d'Italie et l'instauration par Napoléon Bonaparte de la République cisalpine. Avec le professeur Carlo Capra, Maria Stella Rosa, Ivan Riboli et Graziella Gavazzi, responsables à des titres divers, des archives d'État de la ville et des archives civiques. Les musiques étaient de Salieri, Le Sueur, Méhul, Cherubini, Paisiello. Les textes extraits des archives ou empruntés à Chateaubriand et Stendhal étaient lus par Roger Coggio, Maurice Bourbon, Guy Tréjean. Une émission de Françoise Malétra réalisée par Christine Bernard-Sugy. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.